J'ai couru toute la ville sous le froid du matin, à chercher ce sourire à glisser dans tes mains. Les vitrines reflètent nos souvenirs lointains. Chaque lumière éclaire un peu plus notre chemin. Et même si l'hiver est long, on avance ensemble, c'est bon. Un cadeau pour demain, c'est un rêve dans nos mains. On l'emballe de lumière pour qu'il brille en plein hiver. Un cadeau pour demain, c'est un rêve dans nos mains. On l'emballe de lumière pour qu'il brille en plein hiver. J'écoute les cloches danser au-dessus des toits. Je sens